بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. ألا وتعلموا أننا لا نستحل دين الرافضة، ولا نستحل أموالهم، ولا نستحل أعراضهم تدينا، ليس خوفا من أحد، ولكن ديننا، يجعلنا نقول هذا ونقف عند هذا الحد. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. كشف إرجاء محمد الإمام في تبرئة زنادقة الرافضة من الكفر لفضيلة الشيخ المجاهد أبي حاتم سعيد بن دحاس المشوش اليافعي رحمه الله تعالى. تخرج كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. Première partie. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن أمس قد أخذنا شيئا من المقدمة فيما يتعلق فيما سندخل اليوم من قراءة هذه المرزمة التي هي عبارة عن رد على المسمى بمحمد الإمام. تلك المرزمة التي كتبها الشيخ الفاضل أبو حاتم سعيد بن دعاس اليافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc aujourd'hui nous allons commencer à lire dans cette marzama qui elle se rapporte, qui est une réfutation et un dévoilement d'une des erreurs du surnommé l'imam, Mohamed l'imam, écrite par notre noble cheikh déjà décédé, cheikh Saïd Da'as, lui-même tué par les Rafida, injustement alors qu'il était en sortie de Da'wa, dans un bus. Ils ont arrêté le bus, ils l'ont fait descendre son frère, ils l'ont abattu froidement, sans aucune rahma. Et c'était une khiana. C'est des gens qui l'avaient donné. Il était attendu en fait. Ils l'ont abattu comme ça. Inch'Allah yarhama. Donc hier, on avait fait un khulasa un petit peu vite fait de l'historique, un résumé de cette fitna, un petit peu, sans vraiment rentrer dans le détail. Et pour démontrer que Mohamed Al-Imam avait une grande part dedans. Lui, il est surnommé Mashayikh du Yémen, avait une grande part dans cette fitna. Donc ne pas croire que cette réfutation écrite par Cheikh Saïd Da'as est juste du fait que Mohamed Al-Imam ait défendu la Adani ou autre. Non. Ce but-là est de défendre ou de démontrer une erreur grave, gravissime dans la Aqidah. Et cette erreur, probablement que le fruit du manque de science acquise par ce Mohamed Al-Imam, nous l'avons dit du fait qu'il ne soit pas assis longtemps comme il se doit chez les gens de science pour bien s'ancrer dans la science et avoir un bon dogme bien solide. Et probablement que ces erreurs également proviennent de son manque d'équité et son manque de justice dans cette fitna, du fait que, comme on l'a dit, lorsque tu commences par petit, tu finis par gros. Quand tu commences par petit, et on a tous vu ceux qui ont commencé à faire des petites choses dans cette fitna ont été injustes, on a des choses plus grandes par la suite qui sont apparues. Après qu'ils étaient conseillés, qu'ils n'aient pas accepté, comme a dit Ta'ala, « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » Et nous n'avons pas acheté un peuple avant d'avoir envoyé un messager. Du fait que les gens, une fois que l'Iqamatu al-Hujja a été faite, et qu'ils n'ont pas accepté, attends-toi à avoir des choses plus grandes par la suite. Non. Et peu d'entre eux ont échappé à cela. Donc lui, parmi ses erreurs qui ont vu le jour de façon flagrante actuellement, lui, c'est cet irjé qui va être démontré dans cette marzama. Non. Car elle est très dangereuse. C'est une catégorie de irjé qui est très dangereuse. Tayeb. Fasan abda, inch'Allah. فعنوان المرزمة هو كشف إرجاء محمد الإمام في تبرية زنادقة الرافضة من الكفر. C'est le dévoilement en fait de l'irja de Mohammed al-Imam dans le fait qu'il ait innocenté les zanadiq al-rafida de la mécréance. Il dit qu'il ne faut pas les mécréants. Et là, Tafsil dit soi-disant c'est juste les savants, d'après eux qui sont. Mais les suiveurs ou l'ensemble des rafida, ce n'est pas des mécréants. Et même leurs savants, bah, comme vous allez le voir, il y en a un qui s'appelle Hussein Badreddin al-Hawsi. Il n'a pas kafar. Et il a fait des choses yani, énormes. Et d'ailleurs, j'espère qu'Allah me fera m'en rappeler que vers le Masjid Fath, il y a une petite malzama, un petit dépliant qui regroupe des erreurs, des grosses erreurs de Hussein Badreddin et on les ajoutera à ça. Justement, au moment où il parlera de lui, on dira bah, Hussein Badreddin, regardez ce qu'il dit. Et lui, il dit qu'il n'aura pas qu'à faire. Pour encore plus appuyer la chose. Juste, j'ai oublié de l'apprendre, Inch'Allah, si j'y pense, j'essaierai de l'acheter aujourd'hui et on l'ajoutera en ta'alikat à cette malzama. Elle n'en fait pas partie, mais c'est juste pour appuyer. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدى عباده إلى سواء السبيل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يزيع عن هديه إلا هالك أما بعد دونك المقدمة c'est pas la peine de la traduire mais dedans elle comporte la basmala. D'accord, comme que vous savez, les mu'allifoun, quand ils écrivent un livre, en général, ils commencent par la basmala. Iqtida'an bi kitabillah wa sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, que comme vous savez dans le Coran, chaque surat débute par la basmala. Après, il y a un khilaf, est-ce que la basmala est un verset de la surat ou pas? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, là, il y a Ijma qui fait partie de surat al-Naml. Hein? Innahu min Sulayman, innahu bismillahi rahman ar-rahim. Là, il y a Ijma qui fait partie de la surat al-Naml. Al-Nahl, enfin, al-Nahl. Ama quant au Kutub, c'est Tabarrukan, chercher la baraka min Allah. Et le tafsir là-dessus viendra, Inch'Allah, si on fait les Kutub dans l'Aqida, on en parlera plus. Et après, il a commencé en Sénat sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, il dit Fakot. كثر جدال محمد بن عبد الله الملقب بالإمام في تبرئة زنادقة مكفرة ومفسقة ومضللة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفر والمروك عن الإسلام وعظمت جرأته في الخوض في ذلك إلى مستوى خطير وكثر تهويشه وتلبيسه بما قد ينخدع به جهال الناس وعوامهم وهو من الخطورات بمحل كثير أو كبير بمحل كبير. Donc il dit quoi que se sont certes multipliées les polémiques dans lesquelles sont engagés Mohammed et l'imam dans le fait qu'il innocente les zanadika. Zanadika, zindik à la base, zanadika c'est le pluriel de zindik. Un zindik c'est un munafiq. Mais parmi les particularités que l'on peut constater du zindik, c'est qu'il montre, il tape l'islam par l'islam. Il s'en prend l'islam au nom de l'islam. Al-Munafiq, comme ceux qui étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se cachaient. Ils faisaient apparaître l'islam. Et en aucun cas, devant les gens, ils s'en prenaient l'islam. Mais le zindik, lui, il le fait apparemment. Il sort des fatawas, il dévie les gens, il leur autorise à faire des choses interdites, ainsi de suite. Hein? Dans la Aqida, il dit sur Allah ce qui n'a pas lieu d'être, sur son messager sallallahu alayhi wa sallam, sur les sahaba, et ainsi de suite. Et il s'en prend aujourd'hui vrai. Au nom de l'islam. Non. Donc il dit qu'il est innocent, il est innocent de ces gens-là, qui sont des anadikah, que ces gens-là qui rendent mécréants et qui rendent pervers et qui rendent égarés les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il est innocent de la, comment on dirait, de la sortie de l'islam. Il ne voit pas que c'est des profards. Et également, son audace s'est également augmentée dans le fait qu'il parle sans science dans ce sujet à un haut niveau. Ou dangereux plutôt, à un niveau très dangereux. Il se met à parler dans un sujet qui est très méticuleux, c'est-à-dire il est, comme on dit, il n'a pas froid aux yeux, il se lance dedans, sans science, alors que c'est un sujet qui est extrêmement dangereux. Et qu'il a brouillé et trompé, on va dire, pas mal d'ignorants et de awam. Les gens qui ont écouté ses paroles, beaucoup ont été trompés. Et on voit même parmi ses toulèbes, dans son merkez, qui le défendent. Les gens, ils sont devant lui, ils entendent ça, et tout le monde le défend. Car les choubouettes, elles sont en cuir. De là, le tawjihad des salafs, qui est de Unzuru amman ta'khudhu dinakum. Regardez de qui vous prenez votre religion. D'accord, regardez de qui votre religion. Car si jamais ton enseignant n'est pas sur la droiture, il risque, tu vois, de t'imprégner de son éducation et de devenir comme lui. Et ça, c'est marlouf, souvent l'élève s'imprègne de son enseignant. Donc malgré ces choses claires, hein, on voit des gens qui le défendent, qui ont même pris parti, qui même propagent cette aqidah. Des gens qui disent salafi. Encore des gens qui disent salafi. Donc il dit, وقد بين عدد من طلاب العلم في دار الحديث بن دماج وغيرها تلبيسه وجرأته على تبرئة من ثبت كفره بالقطع اليقين من الرافضة الزنادقة المكفرات ومفسقة ومضللات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنهم مع ما اشتملت عليه ردودهم من النقاش العلمي لم يعترضوا التوضيح الأساس الذي بنى عليه محمد بن عبد الله الملقب بالإمام جرأته وجرأته القتيرة في مجادلتها الرافضة الزنادقة المكفرة الخارجين عن جامعة المسلمين بقطع اليقين. Donc là il précise qu'un bon nombre de toulab de Dar al-Hadith ont écrit des rudud scientifiques pour réfuter Muhammad al-Imam du fait qu'il ait innocenté les rafida de la mécréance. Hein? Une mécréance qui est claire et flagrante et sur laquelle il n'y a pas de doute. Cependant, il voit que ces toulab qui ont écrit n'ont pas mis en évidence un point important qui est la source, l'origine, le fondement sur lequel s'est basé Mohammed Imam, qui l'a amené à arriver à ce stade-là. C'est-à-dire en fait qu'ils ont, comment dire, comme s'ils avaient réfuté, on va dire, l'aboutissement, mais ils n'ont pas commencé par le commencement. C'est pas tout le monde qui a pu déceler ça, tu vois. C'est pas tout le monde qui a pu le déceler. Et lui, il va démontrer justement c'est quoi la graine qui a amené à faire pousser cet arbre. En fait. D'ailleurs, on voit également aussi, ça viendra à la fin de la Malzama, d'où le grand savoir et la clairvoyance de Cheikh Al-Fawzan, Hafizallahu Ta'ala, qui l'a dit directement à lui. Il a fait une fatwa direct. Il a dit Irja. Dès qu'il a entendu la parole, il s'est dit Irja, direct. On voit l'alim direct, il l'a vu, tu vois. L'alim l'a saisi tout de suite. Non. Donc il dit, Tayyib. Donc il dit qu'ils n'ont pas démontré le fondement sur lequel s'est basé Mohammed al-Imam pour arriver à cette audace dangereuse et cette polémique à propos des Rafida, qui sont des koufars sortis du groupe des muslimines de façon certaine, c'est-à-dire avec certitude. فقال فاستعنت بالله على بيان ذلك حتى يدرك الناس. Il y a des petites fautes dans le truc. Des fois il y a des fatas sur le thème de main. Par exemple, là, nas, c'est un fa'il. Là, ils ont nas, là, c'est nas. Il y a nas. حتى يدرك الناس خطورات ما يتبينه هذا الرجل ويدعو إليه من فكر خطير وأنه مخالف لمعالي أهل الإسلام من موقف إيماني تجاه رافضة الزنادقة المنافقين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مكفرة ومفسقة ومضللة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت هذا العجالة بكشف إرجاء محمد بن عبد الله المراقب بالإمام في تبرئة رافضة الزنادقة من الكفر وأسأل الله التوفيق. Donc il dit, donc j'ai recherché de l'aide auprès d'Allah afin d'éclaircir, afin que les gens puissent comprendre et cerner la dangerosité, le péril sur lequel se base Mohammed al-Imam et cette idéologie périlleuse, et qu'il est en opposition à la position des gens de l'islam et les gens de la foi face aux Rafida, qui sont des munafiqines, comme nous l'avons dit, et des ennemis d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils rendent mécréants et qu'ils rendent pervers et qu'ils rendent égarés les compagnons. Donc je l'ai nommé, hein, كيفش إرجاء محمد بن عبد الله الملقب بالإمام في تبرئة الرافضة الزنادقة من الكفر et je demande à Allah qui m'accorde le tawfiq et son soutien. Et les aïna c'est aide ou quoi, mais je ne sais pas comment on peut traduire là vraiment. Des fois il y a des termes, traduction en français ne fait pas apparaître vraiment la chose. Aïna yu'inu à la base c'est aider. D'accord ? Aïna yu'inu c'est aider. Aide. Assistance, ouais, non. Quand même. Ça c'était la mukaddima, chier. Donc il va commencer par une première partie. Il a mis des fusul. Des fusul c'est forme de chapitre. D'accord ? Des formes de chapitre. Donc là, le premier, il sera, lui, relatif aux contradictions, tanaqudat de l'imam, dans lesquelles il va démontrer qu'il sait, qu'il a cerné, mais qu'il n'applique pas. Qu'il dit des choses, il vient avec des kawaïd, il vient avec des paroles, qui sont vraies, et à la finale, ces paroles-là, il ne les applique pas. Donc il est contradictoire. D'accord, il est contradictoire. Donc il dit بيان اعتقاد محمد بن عبد الله الملقب بالإمام أن استحلال سب الصحابة وتكفيرهم كفر في حد ذاته وعلمه باستحلال رافضة سب الصحابة وتكفيرهم تدينا وتصريحه مع ذلك بعدم كفرهم. Donc il dit là c'est un éclaircissement de la croyance de Mohammed l'imam, qu'il sait que le fait de rendre permis, de rendre licite d'insulter les sahaba et de les rendre mécréants, que cela est du kufr en soi. Celui qui dit que cela est halal, j'ai le droit de les insulter, et j'ai le droit de dire que c'est des égarés ou quoi, ou de dire que c'est des mécréants, et qui voit que c'est un rapprochement vers Allah, c'est par conviction religieuse, ça c'est du kufr en soi. Direct. D'accord ? Et qu'il sait, Mohammed l'imam, que justement les rafidans voient cela halal, qui sont, c'est leur cas, à 100%. D'accord ? Que eux, ils insultent les sahaba, et ils voient que cela comme étant halal, et pour eux, justement, ils se rapprochent d'Allah. C'est l'ibada pour eux. Et que malgré cela, hein, malgré cela, ils persistent et disent clairement qu'ils ne sont pas des mécréants. Donc là, c'est un tanaqud, contradictoire, une contradiction. Donc là, il va parler de ça. D'accord ? Là, cette partie-là, c'est courte, alhamdoulilah. Donc il dit, اعلم انه لا يخفى على محمد بن عبد الله المراقب بالامام ما عليه الرافضه عموما والحوثيون خصوصا من كفريات قطعيات معلوم كفرها بالقطع اليقين والاضطرار من دين الاسلام فقد جمع من كفرياتهم والحادهم كالتكفير وتفسيق وتدليل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والتهمات عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين بما اتهمها به منافق وبرأها الله منه في القرآن وغيرها من الكفريات في عدد من كتبه ككتاب رافضة اليمن على مر الزمان وكتاب طعون رافضة اليمن في أصحاب رسول الله المؤتمن وكتاب بوائق رافضة اليمن ومنها بخصوص الحوثيين كتاب نصرة اليمانية لما حوته ملازم زعيم الطائفة الحوثية من ضلالة إيرانية. Donc il dit que sache qu'il n'a pas échappé à Mohammed l'imam, il le sait très bien, ce sur quoi sont les Rafidah de façon générale et les Houthiyoun de façon particulière, comme acte de mécréance, hein, flagrant et certain, dont donc la sentence de mécréance elle est connue, on va dire, de façon certaine et, comment dire, bétiral min din islam, par, on va dire, la base de l'islam. Vous voyez, la nature de l'islam en soi, toute personne qui aurait ça en lui connaît le kufr de ces gens-là. C'est-à-dire, c'est même pas tout qu'il y a besoin de faire un gros bar, c'est un truc qu'à la base, tout musulman qui a un minimum de base dans sa religion le sait. D'accord ? Donc il dit que Mohammed l'imam, il le sait ça. Et que d'ailleurs, il a même rassemblé dans certains livres, justement, les mécréances, les actes de mécréance de ces gens-là. Comme le fait qu'ils le rendent mécréant, qu'ils le rendent pervers et égaré, les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tels que Abu Bakr, ou Othman, radiallahu anhuma. Et ainsi que Omar, naam. Également, l'accusation portée contre Aïcha, épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la mère des croyants, radiallahu anha. Hein, ce par quoi les munafiqoun ont accusé d'avoir fait zina comme vous connaissez l'histoire, et que Allah leur a innocenté dans le Coran. Mais eux, ils continuent à appuyer cela et à voir que cela est vrai. Donc ça, c'est un takzib du Coran. C'est comme si qu'ils disaient qu'Allah, il ment. Alors cependant, dans le Coran, il a innocenté, et eux, ils viennent et disent non, elle l'a fait. Et ça, c'est du kufr. Donc il dit également, autre parmi les actes de mécréance qu'ils ont, donc il a rassemblé ces témoignages, on va dire, sur eux, dans ses livres, tels que un livre qui s'appelle Rafidat al-Yémen à l'Amour al-Zaman, et un autre livre qui s'appelle Tu'un Rafidat al-Yémen fi Sahabat al-Rasulillah al-Muttaman, ou plutôt fi Sahabat al-Rasul al-Muttaman, et un autre livre qui s'appelle Bouaïk Rafidat al-Yémen, et un autre livre qui est écrit tout particulièrement sur les Houthiyin, qui s'appelle Al-Nusra al-Yamaniya lima ihtawathu malazim za'im al-Ta'ifati al-Houthiyya min dalalat iraniya. Bon, c'est pas la peine de traduire les titres. Les titres qui englobent le fait que les Rafida, ils s'en prennent aux Sahaba. D'accord? Sur leurs erreurs. Et le dernier livre qu'il a écrit, Al-Nusra al-Yamaniya, lui est écrit tout particulièrement contre les Houthiyin. Vraiment par rapport à eux. Et également, il cita certaines de leurs erreurs dans certains audios qu'il a, lors de ses cours sur les cassettes. ونقل جملة من نصوص أئمة الإسلام وإجماعهم على قطع بكفر مكفرة ومفسقة ومضللة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتهمي زوجته المطهرة رضي الله عنها وأرضاها بما برأ الله منه من الرافضة الزنادقة وعدم الشك في كفر من لم يكفرهم. Donc il dit que Mohamed Ibam, justement, a lui-même rapporté beaucoup de paroles d'imams de l'islam, de la sunna, et l'ijma, l'unanimité, le consensus, sur le fait, la mécréance, le jugement de la mécréance sur celui qui rendrait mécréant, ou qui rendrait pervers, ou égaré, les compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rapporté pas de paroles qui appuient cela. D'accord? Et également ceux qui accusent Aïcha, radhiyallahu anha, d'avoir fait zina. Que c'est du kufr pur. Vous voyez? Et que cela vient des Rafidah actuellement. Et que ces savants disent qu'il n'y a pas de doute à avoir sur celui qui ne les rend pas mécréants eux-mêmes. T'imagines un peu? Que ces savants, dont Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, ça va venir son calème, dit qu'il n'y a pas de doute à avoir sur le kufr de celui qui ne voit pas que c'est des kufrs. Tu vois pas un peu? Et ça rentre quoi dans l'ordre de l'islam? Adam takfir man kafarahum Allah. Donc l'islam, c'est le fait d'une parole mécréant, ce que Allah a rendu mécréant. D'une mécréance claire, bien sûr. Comme les chrétiens, comme les juifs, les bouddhistes. Voilà. Quelqu'un qui vient et qui dit non, c'est pas des koufars. Bah, dis-toi, t'es avec eux, quoi. Comment c'est pas des koufars? Eux disent que Isa c'est Ibnullah. Eux disent que Rosé c'est Ibnullah. Ils disent ceci, cela. Eux, ils adorent un idole, une pierre, Bouddha. À la base, c'était un homme, mais bon, voilà, quoi. Les hindous, ils adorent les vaches, ils adorent je sais pas quoi, et toi, tu dis que c'est pas des koufars. Donc, c'est que tu vois pas que l'islam, t'as pas de, al-baratum min shirk ou min ahli. Donc là, cela te fait sortir de l'islam. Et les rafidah, eux, ont fait du kouf wadih, sur lequel il n'y a pas de doute à avoir. Donc le fait que tu ne rends pas mécréant, eh ben, les savants disent qu'il n'y a pas de doute sur celui qui ne rend pas mécréant les rafidah, que c'est un mécréant lui-même. Et, Mohamed Imam, lui-même, cette parole-là, il l'a rapporté. C'est-à-dire, il la connaît. On ne peut pas dire, ouais, miskin, il connaît pas, il sait pas, il sait. Il l'a rapporté lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il s'est mis la hujja sur lui-même. Là, c'est ça qu'il veut montrer le shir. Que tout ce que là, il fait, il sait très bien ce qu'il fait. D'accord? C'est pas genre, il s'est fait duper, il sait très bien, il connaît le hukm dessus, mais il va à son encontre. D'accord? Il va à son encontre. Donc il poursuit en disant فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَلَهُ فِي كَلِمَاتِ الْمُسَجَّلَاتِينَ لَهُ. Donc là il cite une parole qu'il a citée dans un de ses audios, Mohamed Al-Imam. Il dit هُنَاكَ أَنْوَعٌ مِنَ السَّبْ لَيْسَتْ كُفْرًا فِي حَدْ ذَاتِهَا كَالْحُكْمْ عَلَى بَعْدِ الصَّحَابَةِ أَوْ عَلَى قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بِخِيَانَةٍ أَوْ بِكَذِبٍ أَوْ جُبْنٍ أَوْ إِلَى آخِرِهِ هَذَا سَبٌّ وهو من الكبائر بالإجماع لكن ليس كفرا إلا بشرط وهو الاستحلال. Donc il dit Mohammed l'imam que là il y a une catégorie, un genre d'insulte qui n'est pas de la mécréance en soi, comme le fait de juger certains sahaba, qu'ils soient un grand nombre ou un petit nombre, de trahison, de dire que c'est des traîtres, de mensonge, de dire que c'est des menteurs, de lâcheté, de dire que c'est des peureux, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il dit que cette insulte, ce sub, est parmi les kabaïr, parmi les grands péchés, hein, l'ijma. Cependant, il n'est pas de la mécréance, hormis avec une condition. Que celui qui dit ça, voit que cela est halal. Vous voyez, il voit que c'est halal. فقال في أخير ما كتبه في رافضة المسمى بنصرة اليمانية استحلال سب الصحابة كفر بالإجماع. ونقل كلام أبي يلعى الحنبلي ويلعى الحنبلي وملا علي القارئ ومحمد بن عبد الوهاب النجدي في ذلك. Donc ensuite à la fin de ce qu'il a écrit dans son livre sur les Rafida qui s'appelle Nusra al-Yamaniya, et ce livre qui vise particulièrement les Houthiyin, il dit: le fait de rendre licite le fait d'insulter les Sahaba, cela dit kouf à l'unanimité. Hein? Et de là, il rapportait des paroles de certains ulama. Vous voyez? Donc là, on voit bien que il dit que tant que tu n'as pas d'istihlal, que ce n'est pas halal pour toi, ce n'est pas du kouf. Ça, c'est un point. Ben maintenant, Cheikh Saïd Aïs va te montrer que lui, il sait que ce qu'ils ont fait, c'est justement istihlal. Que les rafidas, quand ils le font, c'est istihlal. Et là, il se contredit. D'accord ? Il se contredit. وقد ذكر قبل ذلك في نصرة اليمانية تدين الرافضة بالسب وهو أبلغ صور الاستحلال. Donc il dit après dans son livre نصرة اليمانية, il a justement cité que les rafidas prennent ça comme conviction religieuse, le fait d'insulter les sahaba. Et une conviction religieuse, c'est ce qu'il y a de plus clair dans le rendre de le fait de rendre quelque chose licite. Quand tu fais une chose, tu dis moi je vais pour Allah. C'est que c'est halal pour toi. Quelqu'un il vient, il vole. Il dit j'ai volé pour Allah. Bismillah, comme ça il dit. Bismillah, je l'ai fait pour Allah. Tu dis c'est halal de voler ? Il dit naam. On dit pas une chouboîte comme ceux qui disent qu'ils volent les koufars, par exemple. Il y a une chouboîte encore, pas takfiriyin, que c'est le butin ou quoi. Laisse ça de côté. On dit par exemple un musulman, il vole un musulman. Un musulman, il vole un musulman qui est un musulman wadih. Tu vois ? Ça c'est le koufre. Donc ça, ils rendent halal ce que Allah a rendu haram. Clairement. Où il fait zina, par exemple, pour de l'alcool, et il dit tout ça, c'est pour manger d'Allah. C'est une ibada. C'est halal. Ça, c'est du kufr. Hein? Ça, c'est du kufr. Et le contraire aussi. Le fait de rendre haram, parce que Allah a rendu halal, c'est la même chose. Donc lui, il démontre dans son livre que les rafidah, eux, ont pour conviction religieuse d'insulter les sahaba. Donc quelqu'un qui a un truc pour conviction religieuse, c'est sûr qu'il rend halal. C'est qu'il rend halal. C'est une ibada pour lui. نعم. Donc il dit قال جرم رافضة عظيم لا يسيت البعض محمد الإمام دو صليفة جرم رافضة عظيم ألا وهو سبهم سبها لكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها هذا السب دينا توالي وتعادي من أجله. على ذلك il dit que le crime des رافضة est énorme. C'est محمد الإمام qui dit ça dans son livre. C'est le fait qu'ils insultent un grand nombre de sahaba et qu'ils font de cette insulte une religion. Donc ça, c'est l'Istihlal. Ça, c'est l'imam, lui-même dit ça dans son livre. Et il s'allie, il se désavoue pour cela. C'est-à-dire que si jamais tu n'insultes pas les sahaba, ils ne vont pas t'aimer. Tu vois? Donc si c'est pas l'Istihlal, ça, je ne sais pas ce que c'est. Quand même? Ensuite, il dit, là, c'est la fin de parole de Mohammed al-Iman dans son livre. Ça, c'est en page de 190 de son livre, Al-Nusra al-Yamaniya. Il dit, وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي كَلَمْ لَهُ مُسَجِّلْ. Donc là, une autre parole qu'il a enregistrée, où il dit, هُنَاكْ نُوعٌ مِنْ السَّبْ يَكُونُ فِي حَدْ ذَاتِهِ كُفْرًا هَذَا وَالْسَبُّ بِأَنَّ يُقَالْ أَنَّ السَّحَابَةَ كَفَرُوا وَارْتَدُوا عَنِ الْإِسْلَامِ هَذَا السَّبُّ وَكُفْرٌ فِي حَدْ ذَاتِهِ. وهذا السب من قال به فهو كافر ومن اعتقده فهو كافر لأن هذا السب تكذيب واضح للقرآن والسنة والإجماع وإجماع المسلمين ولما هو معلوم بالضرورة بما قام به الصحابة بنشر الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit quoi là? Qu'il y a également une catégorie, là c'est Mohamed l'imam, dans une parole qu'il a dans un audio où il dit que là il y a une catégorie d'insulte qui elle est de la mécréance en soi, directe. Et c'est le fait de dire que les sahaba ont mécru, ont apostasié, sorti de l'islam. Donc il dit que cette insulte en soi est une mécréance pure. Hein? C'est comme celui qui le prononce, attention là, regardez ce qu'il dit. Celui qui le dit, c'est un kafir. Celui qui l'a pour croyance, c'est un kafir. Vous voyez ? Car cette insulte est un démenti clair du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les agrée, il l'agrée. Allah l'a fait dans l'éloge dans son livre. Et eux, ils viennent, et ils le rendent mécréant. C'est-à-dire que Allah, pour eux, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Donc il dit que cela c'est un takzib wadih du Coran, de la Sunna et du consensus des muslimines, de ce qui est connu par la daroura, la base de l'islam, yani indiscutable. Il n'y a pas un musulman qui peut accepter ça. Du fait que les sahaba sont eux qui ont propagé l'islam. La Sunna comment nous est parvenue? Par les sahaba. Le Coran comment l'a été préservé? Par la cause des sahaba. Quand les hadiths comment on les a connus? Par les sahaba. Donc taper sur eux, ça mène à quoi? À taper sur l'islam. C'est comme une chaise. Tu tapes les pieds de la chaise, elle va tomber la chaise. Tu vois? Elle va tomber la chaise. Ben, eux, c'est pareil. Et ça, leur but au Rafida, c'est de faire tomber l'islam. Au nom de l'islam, soi-disant. Donc regardez bien, là, un point important. Il dit quoi? Il dit Man qala bihi fawa kafir. Celui qui l'a dit. Et après, différencie. Wa man i'taqada. Et celui qui l'a pour croyance. C'est-à-dire qu'elle l'a séparé entre le fait de prononcer et le fait de l'avoir pour croyance. Parce que plus tard, on va voir qu'il dit que non, tu n'es pas un mécréant, sauf si tu as eu pour croyance et que tu veux le kufr. Et là, il dit bien celui qui l'a dit. Donc, regarde encore, tu vois, t'en as un code. Ça va venir. Donc, il dit « Wa min dhalika ma qalahu fi nusrat al-yamaniya wa huwa min akhir ma katabahu fi rafida safha 192 qala man kaffara sahabata radiyallahu anhum au kathiran minhum أو حكم بردتهم فلا ريب في كفره قال القاضي عياض وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة في كتاب الشفاء. Donc il dit quoi? Également dans ce qu'il cite dans son livre Nusra al-Yamaniya en page 192 et c'est parmi ce qu'il écrit en dernier sur les Rafidans. Il dit: et celui qui rend mécréant les sahaba, radiallahu anhum, ou beaucoup d'entre eux, ce n'est pas tous, c'est beaucoup d'entre eux, ou qui a jugé qu'ils sont apostats, il n'y a aucun doute sur sa mécréance. Mohamed Ali-Mam qui dit ça. Et après, il rapporte une parole du Qadi Riyad, qui dit, et nous n'hésitons pas une seconde sur le fait de rendre mécréant toute personne qui aurait dit une parole menant au fait de traité d'égaré la communauté ou le fait de rendre mécréant les sahaba. Donc il rapporte une kalam de Qadi Riyad après pour appuyer ce qu'il a dit. Pour prouver que ce qu'il dit, il sait ce qu'il dit. Il en a confiance. Donc là, attends, je sais pas si c'est est-ce que c'est lui qui rapporte par le chez l'islam ou c'est Cheikh Saïd Daraf? Attends, je vérifie. Parce qu'il n'y a pas de signe qui dit Ntaha. Donc il dit Waqala al-Zahir. Apparemment, ce serait le kalam que Mohamed al-Imam il aurait rapporté lui-même dans son livre. Nusra al-Yamaniya. Qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah fi kitabi al-Salim al-Masloul. Wa amma man jawaza. Les références sont citées, non? Celui qui veut les références du livre, c'est cité sur la Malzama. أما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفر قليلا إلا يبلغون بدعة عشرة نفسا أو أنهم فسقوا عمتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق انتهى. طيب donc c'est bien Mohamed Al-Imam qui a apporté ça de Cheikh Al-Islam. Là, il a dit bien « Ma zakarahu fi nusrat al-Yamaniya ». Donc, Mohamed Al-Imam toujours apporte un kalam de Cheikh Al-Islam dans son livre « Salim et Masloul » où il dit que celui qui rend cela permis et qui prétend qu'ils ont apostasié après la mort du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, hormis un petit groupe d'entre eux, qui ne dépasse pas peut-être la dizaine de personnes, c'est le cas des Rafida, ou qu'ils rendent pervers la plupart d'entre eux, alors cela n'y a aucun doute sur leur mécréance. Celui qui voit cela, il n'y a pas de doute sur leur mécréance. Car celui-là, il dément ce qu'a stipulé le Coran dans plusieurs endroits. Le Coran dans plusieurs endroits, il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, fait l'éloge des Sahaba, hein, en citant son agrément pour eux, et son éloge à leur rencontre. Et il dit même, disons même que celui qui doute sur la mécréance d'une telle personne, c'est-à-dire qui dit cela, hein, alors lui, la mécréance s'applique sur lui aussi. Si tu doutes de ça, de quelqu'un qui rend mécréant les Sahaba, à part un petit groupe d'entre eux, ou qui les rend pervers, à part d'entre eux, celui qui dit ça, si jamais tu doutes de son couf, eh bien toi aussi, comme on l'a dit au début, le jugement s'applique sur toi. D'accord? Car cela implique, cette parole implique, que ceux qui ont transporté le kitab et la sunna, c'est-à-dire les sahaba, qui l'ont diffusé à notre époque, jusqu'à notre époque, sont des mécréants ou des pervers. Fin de parole. Et ça, c'est un kalem que Mohamed Al-Imam a cité dans son livre « Al-Nusra al-Yamaniya » en page 192. Pour ceux qui veulent retourner et vérifier, pour pas dire qu'on fait à la Arafat, qu'on coupe les paroles et qu'on échange. C'est un kalem qui vous radait. Naam. Donc, Cheikh Saïd reprend en disant فتخلص مما سبق أن محمد بن عبد الله الإمام يعلم أن استحلال سب الصحابة كفر وأن الرافضة تستحله تدينا وأن تكفير الصحابة أو كثيرا منهم والحكم بردتهم كفر في حد ذاته بالقطع اليقين بل يعلم أن كفر من يشك في كفر مثل هذا متعين. Donc il dit, donc le topo de cela, de ce qui vient de précéder, c'est que Mohamed Al-Imam sait parfaitement que le fait de rendre licite le fait d'insulter les Sahaba, cela est du kufr. D'accord? Et il sait que les Rafida, eux, agissent de la sorte. Ils voient que c'est halal car pour eux c'est une religion. C'est une croyance qu'ils ont. Et que le fait de les rendre mécréants ou une grande partie d'entre eux, ou de le fait de dire qu'ils ont apostasié, cela est de la mécréance en soi également. D'accord? Le fait de les rendre mécréants, et de dire qu'ils ont apostasié, cela est de la mécréance en soi. De façon certaine, sans aucun doute. Et il dit même qu'il sait, c'est-à-dire Mohamed Al-Imam sait, vu qu'il a cité la parole de Cheikh Al-Islam, qu'il sait que celui qui doute du kufr d'une telle personne, ben lui-même, le kufr s'applique sur lui. Donc il le sait tout ça. Il en est conscient. Encore, il en est conscient. ثم يصرح بأن لا يكفر الرافضة وهو يعلم استحلال الرافضة سب الصحابة تدينا يصرح بامتناع تكفير المكفرة والمفسقة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لا ريب في كفرهم وأن من شك في كفره فكفره متعين. Donc, et lui après, il vient en disant clairement qu'il ne rend pas mécréant les Rafida. Alors qu'il connaît leur istihlal, qu'ils voient cela licite. Et que cela est une religion pour eux que le fait d'insulter les Sahaba. Et également, ils proclament le fait de ne pas le faire, de ne pas rendre mécréants, ces gens-là qui eux-mêmes rendraient mécréants et pervers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait qu'il n'y a aucun doute sur leur mécréance. Et que celui qui doute de cela est lui-même mécréant, comme ce qui a été cité auparavant. فإنه نقل في كتاب طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن كلام شيخ الإسلام تيمية والإمام شوكاني في كفر رافضة لتكفيرهم وتفسيقهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو بتكفير صحابي واحد كما قال الشوكاني وأن الكفر يتداعف بتكفير أكثر من صحابي. ثم قال صفحة 11 وما قاله الشوكاني طيب ما عرفت الباراغراف لا. Donc ensuite dans son livre تعون رافضة اليمن في صحابة رسول المتمن il a rapporté une parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah que nous avons lu auparavant, et une de l'imam Shoukani, sur la méfiance des Rafida, du fait qu'ils rendent mécréants et pervers les compagnons du prophète Mohammed. Et quand bien même le fait de rendre mécréant un seul d'entre eux, hein, un seul d'entre eux, serait de la mécréance. Et que Shoukani, il dit que justement cette mécréance s'amplifie du fait que tu en rends mécréant plus d'un. C'est-à-dire que tu en mécréant un seul, le sahaba, c'est du kouf. Alors que dire si jamais t'en fais encore plus? Tu t'en fais plusieurs, c'est-à-dire ton mécréance sera encore plus grande. Ça, ça veut dire. Donc lui, il dit quoi? Que le fait que tu en mécréant un seul, c'est du kouf déjà. Alors que dire si tu en mécréant plusieurs? Ça augmente, ça amplifie. Donc là, maintenant, Mohamed al-Imam, il dit en page 11 وَمَا قَالَهُ شَوْكَانِي مِنْ تَدَاعُفْ كُفْرْ رَافِدَتِي فَهُوَ صَحِيح إِلَى أَنْ قَالَ صَفَتْ ثَنِيَةَ عَشَرْ وَمَعْ مَا سَبَّقَ ذِكْرُهُ يُتَحَرَّ فِي إِطْلَاقِ التَّكْفِيرِ عَلَى مَنْ كَفَّرَ الصَّحَابَةِ الله أكبر. Donc là il dit quoi? Que Mohamed al-Imam en page 12 de son livre تعون رافضة اليمن, il dit quant à ce qu'a dit Shawkani que le kufr des Rafida s'amplifie du fait qu'ils ont rendu mécréant plus qu'à Sahabi, cela est vrai. Attention, regardez ce qu'il dit. Il dit cela est vrai. Tadaouf kufr et Rafida fawa sahih. Que leur mécréant s'amplifie, se multiplie, cela est vrai. Et ensuite, en page 12, qu'est-ce qu'il dit? Et malgré tout ce qui a été précédé comme parole, hein, il faut être prudent et bien recherché dans le fait d'être absolu, dans le fait de rendre mécréant et rafida. Dis attention. Fais attention à ce que tu vas dire. Dans le fait de rendre mécréant et rafida. Sois munition ce que tu vas dire. Dans le fait de rendre cela absolu, catégorique. Attention. C'est-à-dire là, au début, il pousse après toi, en fait. Tu vois, sur les calendriers IMAX sont plus savants que lui, sont plus grands que lui, plus forts que lui. Hein? Il les sort, il les cite et après il dit, mais attention. Et là, il te ramène en arrière. Voilà ce qu'il a fait. Dans son livre, hein, Tu'un Rafidat al-Yemen, puis Sahaba, en page 11 et 12. Ensuite, le Shir, Rahimallah, reprend, Shir Saïd. وَلِهَذَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ رَافِدَةَ الْيَمَنِ عَلَى مُرِ الزَّمَانِ قَدْ ذَكَرَتُ فِي كِتَابِ تُعُون رَافِدَةَ الْيَمَنِ تَكْفِيرَ الْهَادِي وَمَنْ تَبِعَهُ لِكَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Donc il dit, Mohamed al-Imam, dans son livre, رافضة اليمن على مر الزمان, il dit, et j'ai déjà cité dans mon livre, là il cite un autre livre à lui, تعون رافضة, que Al-Hadi, c'est l'un des imams des Shia, ou des Rafida au Yémen. C'est l'un de leurs imams. D'ailleurs, ils ont un masjid à Saada qui s'appelle Masjid Al-Hadi. Donc il dit, j'ai déjà, moi, rapporté dans mon livre, تعون رافضة اليمن, que Al-Hadi et ceux qui le suivent rendent mécréants beaucoup des Sahaba. Et les Rafida, ils suivent tous Al-Hadi. D'accord? Al-Rafida, Al-Hadi, c'est leur imam. Surtout au Yémen. Qultu, waqad zakara kalam Al-Hadi wa taba'ihi fi sahabati wa mali'un bi takfirihim wa tafsiqihim wa tadlilihim wa takhwinihim wa tahqirihim wa ittihanihim wa ihanihim ayahan billah. Donc il dit, de la Cheikh Saïd Daas, il dit, et donc il a certes rapporté des paroles de l'Hadi et de ses suiveurs sur le Sahaba. Ces paroles sont pleines de takfir, de tafsir, de tadlil, et de tahin, c'est le fait de le rendre traître, de traiter de traître, et de mépris et de rabaissement à l'égard des Sahaba. Vous voyez? Il a rapporté plein de leurs paroles, Mohammed al-Imam. Wa ma hadha kullih ya'udu al-Hadi wa atba'ahu min jumlat al-Islam. فإنه قال في رافضة اليمن على مر الزمان صفحة 644 ومعلوم أن الباطنية خارجة عن دائرة الإسلام عند المسلمين كافة بما فيهم الزيدية والأهادوية. Donc il dit, et avec tout cela, il considère l'Ahadi et ses suiveurs faisant partie de l'ensemble des gens de l'islam. L'Ahadi et ses suiveurs, après qu'il ait dit qu'il est bien ramené d'eux, qu'ils ont insulté les Sahaba, qu'ils leur ont mécréant, ainsi de suite, il considère toujours l'Ahadi et ses suiveurs comme faisant partie des gens de l'islam. Car il dit dans son livre, La Ravidat al-Yémen à l'amour des Zemen, en page 644, il est connu que les Batiniens sont sortis de la sphère de l'islam chez les musulmans. Vous voyez, chez tous les musulmans. Et parmi eux, ces musulmans, il y a les Zaydiyah. Zaydiyah, c'est une branche des Shia, et c'est pas des Koufars. Et Al-Hadawiyah. Là, c'est un djem qui revient à Al-Hadi. Les suiveurs d'Al-Hadi aussi font partie des musulmans. Vous voyez, après qu'il ait démontré que ces gens-là, insultent les Sahaba, les remécrants et tout, et qu'il sortit les paroles des imams, il vient, et malgré cela, voilà. وفي كتاب رفضة اليمن على مر الزمان ذكر فرقة السليمانية الحريرية من الرافضة التي تنتسب إلى سليمان بن حرير وذكر من عقيدتهم أنها شهدت على عثمان وعلى من حارب عليا بالكفر ويعني بذلك عائشة وطلحة والزبير ثم قال تنبيه طيب دونك دو سوليف Toujours, la Rafidat al-Yémen à la mort de Zemen, en page 130, entre la page 130 et 140, il a cité la secte des Sulaymaniyya. C'est une secte qui s'attribue à un homme qui s'appelle Sulayman al-Harir. Je ne sais pas qui il est. J'essaie de chercher, je n'ai pas trouvé qui il était. Et il dit que parmi leurs croyances, ils considèrent que Othman et tous ceux qui ont combattu Ali sont des koufars. Et en visant par cela Aïcha et Talha et Zubayr. Il voit que ces gens-là, c'est les kuffars. ثم قال تنبيه نقل عن عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق أن أهل السنة يكفرون سليمان بن حرير من أجل أنه كفر عثمان رضي الله عنه. ثم تعقب محمد الإمام ذلك بقوله يريد بأهل السنة والحديث الأشعرية وأما أهل السنة الذين هم أهل الحديث فلا يكفرونه. Donc ensuite, il dit Tanbih. Tanbih, c'est une remarque. Attention. Il cita de Abdul Qahir al-Baghdadi dans son livre Al-Farq bin al-Firaq, en page 54, que les gens de la Sunna ont rendu mécréant sous l'évêque de Harir du fait qu'il ait rendu mécréant en Rafman. Et ça, c'est un takfir, c'est mourdi'i. T'as rendu kafir à Sahabi, khas. Et ensuite, Mohammed al-Imam est venu pour critiquer cette parole en disant que Abdul Qahir, lorsqu'il a dit El-Sunna, qui est en mécréant Sulayman ibn al-Harir, oui, quand il dit El-Sunna, il vise qui en fait? Les Ash'ariya, tu vois. Parce que les Ash'ariya, ils se considèrent parmi les El-Sunna. Ma'alouf. Et bien lui, Abdul Qahir, Al-Baghdadi, lorsqu'il dit El-Sunna, il vise les Ash'ariya. Et lui dit, quant aux vrais gens de la Sunna, les vrais, hein, ils ne sont pas des Ash'ariya, eux, qui sont les gens du Hadith, ils ne rendent pas mécréants. Sulayman ibn al-Harir. Qultu, hadha min iftira ala ahli al-hadith, fa inna imam ahli al-hadith al-mubajjal, Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, su'ila kama fi riwayat Abi Talib, an rajul yattahimu wa shtumu Othman, fa qala Ahmad, hadithan dakah. Donc je dis, il s'agit là quoi d'une pure prétention, un mensonge de Muhammad al-Imam, sur les gens de la Sunna, du fait qu'ils ne rendent pas mécréants Sulayman ibn al-Harir. Hein? Voyez? Car l'imam, le grand imam de la Sunna à son époque, qui est jusqu'à présent d'ailleurs aussi, qui est l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, fut interrogé sur un homme qui accuserait ou insulterait Othman. Donc il dit Ahmed, cela est de la zandaka, du nifaq en fait, du kouf. Donc on va dire quoi, que l'imam Ahmed aussi, il parle au nom des Ash'ira, sans que les Ash'ira sont arrivés après l'imam Ahmed. فقد نقل هذا محمد الإمام في كتاب تعون رافضته وهو قبل كتاب رافضة اليمن على مر الزمان ونقله في نسخة اليمانية. Donc il dit que Mohamed l'Imam justement il a récité cela dans son livre Touhoun al-Rafida, en page 13. Donc tout ça, il l'a rapporté, il le connaît lui-même dans son livre. Tamam. فيقول يختم هذا الفصل بقوله فكيف استطاع أن ينسب إلى أهل الحديث عدم تكفير من يكفر عثمان وهو الناقل عن إمام الحديث الذي لم يخرج مجزوم لم يخرج المحدثون بعده عن قوله في التكفير من اتهم وشتم عثمان رضي الله عنه فضلا عن من يكفره صلى الله عليه الصدق والسلام. Donc il dit, comment peut-il se permettre d'attribuer aux gens du hadith le fait qu'ils n'ont pas mécréant celui qui rend mécréant Othman, alors que lui-même rapporte de l'imam Ahmed, qui est l'imam des gens du hadith, et dont aucun muhadithun après lui, voyez, que personne d'après lui ne soit opposé à sa parole sur le fait que le fait de rendre mécréant celui qui incite Othman. Alors que dire celui qui le rend kafir? Après l'imam Ahmed, il n'y a personne qui veut nous opposer à ce qu'elle aime là. Voyez. Donc comment dire, ça c'est le cool des Ash'ari. Ah. Donc là, l'imam Ahmed, il a juste dit d'accord le fait d'inciter Othman et de le critiquer. Alors que dire celui qui dit que c'est un kafir? Comme l'a fait Souleyman ibn Harir. Voilà. فبعد ذلك قال أسأل الله الستر والسلامة. طيب والحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج أفاف.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.